quelques questions sur la mutation. On va commencer par celle-là. Que peut-on faire de pratique dans la vie de tous les jours pour favoriser la mutation à tous les niveaux, c'est-à-dire physique, psychologique, mental, etc.? Bon. Que peut-on faire quotidiennement pour augmenter son potentiel de mutation? Ben, c'est ce que j'ai expliqué lors de la première partie, on en a amplement parlé. Ben, il n'y a pas de technique pratique physique qui serve à quelque chose si l'intelligence ne les accompagne pas. Il n'y a pas de système d'alimentation qui fonctionne réellement si l'intelligence n'accompagne pas ce que nous mangeons. Et nécessairement, ça ne veut pas dire de toujours dire, tiens, je mange une pomme, c'est une pomme, hein, une bouchée de pomme, une bonne pomme, une pelure de pomme. Pas ça. Parce qu'il y a des êtres humains qui trippent égoïquement sur ce qu'ils font. Il y a une nuance entre mettre de l'émotion, de la psychologie, de l'astral dans ce que nous faisons et mettre de l'intelligence. La majorité des êtres humains ne mutent pas tellement. Ce qu'ils ont comme mutation est absolument involontaire. C'est même souvent inconscient. C'est qu'ils mettent de l'émotion, ils mettent de l'astral dans leur geste, dans leur gestuelle, dans leur vie. On doit transformer notre astral, ce qu'on exprime au niveau émotif, au niveau psychologique, et par l'intelligence. Alors donc, il y a une nuance entre bouffer une pomme et triper sur la pomme. J'ai déjà vu des gens qui bénissaient leur repas avant de le manger. C'est intéressant, tu prends de l'énergie que tu as, tu la mets dans l'assiette, tu la remanges après. Bon, ben c'est sûr, c'est bien. Ça, c'est l'ego qui te fait triper sur la pomme. Oui, pour la simple raison que si ton Dieu ne bénit pas la bouffe pour toi et que tu dois la bénir en son nom, ça marche, c'est évident. Tu prends de l'énergie dans le système égrégorien divin et puis tu la mets dans ton assiette et tu la manges par la suite. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus important de manger convenablement que de bénir ce qu'on va manger. Et c'est beaucoup plus important aussi d'avoir une consistance intelligente, c'est-à-dire être présent consciemment lorsque nous mangeons, que de bénir et de s'en foutre. Alors, il y a des gens qui bénissent, il y a des gens qui méditent devant leurs assiettes avant, il y a des gens qui vont dans des restaurants très particuliers où se consacre une bouffe très particulière et on paye un prix très particulier aussi. Et parce qu'apparemment, c'est mieux. Il y a une nuance. Tu peux manger des légumes toute ta vie puis pas les digérer ou en assimiler la minorité. Et tu peux aussi, parce que prenons l'exemple du végétarisme. Qu'est-ce que c'est que le végétarisme au niveau de la mutation? Comment un végétarien devrait-il manger? Premièrement, un végétarien qui veut muter et devenir un vrai végétarien. Pas quelqu'un qui est végétarien, un vrai végétarien. Comment muter au niveau de l'alimentation? C'est extrêmement simple. Toi, tu es végétarien. Alors, je t'invite à manger chez moi un soir. Tu arrives et on sert du steak. Tu es un vrai végétarien. Tu es un mutant végétarien. Tu t'assois et tu manges du steak. Parce que toi, tu n'es pas de ce genre d'humain qui va, de sa philosophie, en faire un problème. Ah, mais je ne mange pas ça du steak, moi. Ah, ben, j'ai rien que des patates comme légumes. Ah, ben, maman, je vais manger que des patates d'abord. C'est brillant. Mieux vaut ne pas manger de viande, puis manger tout croche, que de manger de la viande et des patates. Bon, d'autres vont manger, ah oui, mais les légumes en conserve, je ne mange jamais ça. De l'eau de robinet, puis arc! Change de planète, mon ami. L'eau distillée, ça n'existe pas à l'état natif dans les lacs et dans les rivières. T'as des canines, c'est pour bouffer de la viande, t'as un système digestif qui la mange. D'accord, il y a certains problèmes, mais ça te permet d'évoluer et manger de la viande. Alors, notre individu qui arrive et qui mange la viande quand même, qui a la même soirée, mais qui, lui, est végétarien, il est végétarien. Sa viande, elle ne le nuira pas. C'est un végétarien. Alors, il va la muer, la viande. Il ne pourra pas en être malade. Il ne s'encrassera pas le corps en mangeant de la viande. Si, par contre, ce n'est pas un végétarien, mais c'est un philosophe végétarien, là, s'il mange de la viande, il a la philosophie de la stocker, de la faire pourrir avant de la digérer, dans son système digestif. Il a la philosophie de la mâcher pendant des heures et des heures ou de la vallée tout rond. Il y a une philosophie de végétarien qui est une philosophie de poignée avec la vie. Il n'est pas capable de digérer sa viande, lui. Ben non, il ne peut pas digérer sa viande. Il va la vomir, il va faire bien les choses avec. Mais des problèmes. On passe à l'autre. Non, juste continuer un petit peu avant. On parle donc d'exemple au niveau de la mutation. Ben, c'est exactement cela. Sommes-nous capables d'être ce que nous voulons être? Mais tout en laissant la planète Terre être ce que la planète Terre est. Alors, comment on mute? Ben, c'est ça. Tu arrives, tu es végétarien, et tu vas dans un endroit, et puis on te sert de la viande, ou on te sert des légumes que tu ne veux pas, ou c'est trop cuit, ou ça a perdu la vitamine C, ou ça a trop d'acétate de calcium, ou ça, tu sais, tu achètes des produits, des fois, ce serait préférable de manger l'emballage que de manger ce qu'il y a dedans. Bon. Alors, on est dans une société où l'être humain doit fonctionner. Son intelligence, moi, je mange ce que j'ai à manger. Si j'ai le choix, par exemple, entre jeûner, parce que j'ai 20 minutes pour manger, et l'humain va dire, ben voyons donc, tu devrais avoir 2 heures pour manger. Ben oui, je peux mettre sur le bien-être et manger pendant 2 heures, effectivement. Mais quand tu n'as pas le temps de manger, à l'époque où j'étais ambulancier, on avait une demi-heure pour manger, alors le temps que tu t'avertisses que tu vas manger, les autres commencent à compter. Là, tu te dirigeais au plus vite vers le restaurant le plus proche, habituellement Dunkin' Donuts ou un McDonald's. Même place que les polices. C'est ça, c'est partout. Et puis là, tu commandes de ce que tu as mangé, ça fait déjà 15 minutes de ta demi-heure de passer. Et quand tu le reçois, bien là, tu avales. Hein? Et puis après ça, tu ressors dehors. Et j'ai jamais été malade. Pour la simple raison que je ne mangeais pas stressé. Quand on mange de la viande, savez-vous comment on devrait faire pour manger de la viande? On coupe le morceau de steak, très gros comme ça, on le met dans notre bouche, puis on l'avale. Comme ça qu'on devrait manger de la viande. Prenons l'exemple sur les chiens. Hein? Mettez de la viande dans leur plat, et regardez à quelle vitesse ils la bouffent. On devrait manger de la viande comme ça. C'est logique. L'être humain qui comprend ce que c'est que l'alimentation mute et cellularise les choses. Ce ne serait pas plus dur pour le système digestif? Bon, alors on enseigne, n'est-ce pas, dans les écoles de médecine, que l'estomac a une espèce de péristaltisme intéressant, c'est-à-dire que l'estomac a la faculté de broyer les aliments. Si tu manges des aliments tout déjà broyés, l'estomac, ben, finalement, ne broye plus grand-chose. Attends-toi bien à avoir un estomac absolument débile qui ne digère plus grand-chose en vieillissant. Par contre, pourquoi mastiquer comme il faut? Ben, parce que la salive commence déjà la digestion de l'amidon, oui, de la patate. De certains légumes, OK, pas de la viande. Et en plus, la mastication, elle fait que tu salives énormément et tu imbibes de salive les légumes et les fruits crus. Et ta salive étant un conducteur d'énergie vitale, en mastiquant les légumes et les fruits crus, ou un animal vivant, OK, quelque chose de vivant, en mastiquant et en le vivant de salive, tu absorbes l'énergie vitale de l'aliment et l'absorbant par ta bouche, c'est par la bouche ou par le nez qu'on absorbe l'énergie vitale, eh bien là, tu l'absorbes. Après ça, tu avales, et là, ton corps physique va se servir de la structure vitale contenue dans la structure chimique et atomique du reste de l'aliment. Ça sera une énergie vitale très matérielle, et tu auras absorbé l'énergie yin et yang à travers l'aliment vivant, comme une pomme verte, elle mûrit sur une table, elle n'est pas morte. Si on la mange, on la mastique pour absorber sa vie. La viande, c'est mort. Mastiquer au coton la viande, on ne gagne rien à mastiquer au coton la viande. Alors, on l'avale. Le chien, il l'avale, on va dire, oui, mais tu manges vite, ça va des ulcères d'estomac. J'ai jamais vu de chien avoir des ulcères d'estomac. Il n'y a aucun carnivore qui a des ulcères d'estomac. Ça ne plaigne pas. Mais ça mange en tabarouette. Par contre, l'homme qui mange vite parce qu'il est nerveux, lui, il met de l'émotion dans l'aliment. Alors, il ne mute pas. L'homme qui met de l'intelligence dans l'aliment, lui, mute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne jamais manger sans savoir que tu as mangé. Sois là. Alors, on pose la question pour donner des exemples évidents. C'est simple, soyez présent à ce que vous faites. Quand vous buvez de l'eau, vous devez boire de l'eau, pas savoir du point de vue astral, du point de vue de la pensée, que vous buvez de l'eau. Comme tout à l'heure, j'expliquais. Bon, je bois de l'eau. Non. Et là, on a certaines formes de yoga qui disent sentez l'eau passer, descendre dans l'estomac, arriver ici. Maintenant, quand tu respires, sens l'air qui rentre dans le nez, qui descend dans les poumons. Quand j'avais 9 ans, je pratiquais ce genre de yoga et je me suis rendu compte d'une chose. Je bois l'eau, je laisse elle descendre. Je me dis, oui, mais là, je sens ce qui est là. Mais tout le reste de l'eau, je ne sens plus. Quand je respire, je sens l'inspiration qui descend. Mais toute l'air qui continue à rentrer, je ne la sens plus. Fait que, bref, je ne peux pas être conscient de tout le faire en même temps. Il faut que je sois conscient avec des petits bouts. C'est comme de l'eau dans une rivière. Oui. Alors, être conscient avec juste un petit bout ou pas pantoute, c'est quoi la différence? Mais dans un des cas, tu as le trip astral d'être conscient d'un petit bout. Tout le reste est inconscient. Alors, ça ne sert à rien. Alors donc, on doit simplement être présent. Je prends de l'eau, je bois l'eau, je sais ce que je fais, je sais ce que je vis, et nécessairement, je mute. Alors, au niveau d'une mutation initiatique, on parle encore du vol de ton automobile. Tu déboules les escaliers. Bang, bang, bang, bang, tu arrives en bas, les fesses par-dessus la tête. Et puis, tu n'es pas blessé, disons, pour l'instant, parce que tu avais entretenu ton corps suffisamment avant pour avoir ce qu'il faut pour descendre sur les fesses. Soit manger, soit faire de l'exercice physique, bon. Tu arrives en bas, et puis là, tu es devant tout le monde. Hein? Tu viens de descendre des marches du métro. À l'heure de pointe. Les 4 dernières marches, disons. Ouais, la deuxième. Ça, la peine d'appeler la dernière marche. C'est ça, parce qu'il est haut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que notre individu, elle met de l'émotion dedans sa vie. Alors, elle ne mute pas. C'est quoi de l'émotion dans sa vie? Elle arrive à terre. Bien là, elle est frustrée, elle est en beau maudit. En tout cas, elle vit tout. Elle rougit, elle transpire si elle ne fait pas d'autre chose. Espérant que non, parce que là, elle va rougir encore plus. Et puis là, bon, ben là, on va se lever, c'est plein de monde qui la regarde, et le monde qui vient de l'aider. Non, non, c'est correct. Mais non, tu sais, je suis capable de tenir debout. C'est pas à cause que je déboule les escaliers que je peux pas me tenir debout. Alors, elle refuse l'aide, bien souvent. Et elle peut poursuivre le métro. Tu peux pas poursuivre ton ego. Non. Poursuivre la ville de Montréal. Comment l'individu se sent-il? C'est simple, vous rentrez dans un wagon de métro, moi je rentre avec vous, vous ne me connaissez pas, et puis tout le monde était assis debout, ça se tient, hein, parce qu'on appelle ça un étobus dans le langage de la chaîne. Alors on est dans un petit écrasé, et puis à un moment donné, je me mets à chanter. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sécrète des hormones. Tout le monde vit émotivement. Tout le monde met de l'émotion dans sa vie. Voyons non, c'est bien mal élevé, qu'est-ce qu'il prend pour bien se faire? En tout cas, on en met dessus pour se protéger. Et là, après l'arrêt suivant, ben tu vois qu'il y a beaucoup plus de monde qui débarque de ton métro. Il y en a d'autres qui rentrent, ça ne savent pas, que dans les autres wagons. Faut pas t'arrêter de chanter quand les portes s'ouvrent. Non, quand j'étais jeune, j'avais un petit tas de marde en fibre de verre qu'on promenait d'un autobus à l'autre. Alors, on mettait ça sur le banc, en arrière, les grands bancs. Et puis, on s'assoyait un peu loin. Et puis là, quand les gens rentraient, ben les gens, ils voyaient le... Puis, mais tu peux t'asseoir à côté. Mais non, jamais, ça peut sauter. Alors, les gens, ils mettent de l'émotion dans leur vie. Les gens sont là, ça regarde. Il y en a beaucoup qui n'ont rien vu. Non, tu n'as rien vu, si tu en as pas rien vu. Oui, parce qu'ils ne veulent pas. C'est ça, mettre de l'émotion dans sa vie. Comment on fait pour s'initier, pour muter? Bon, quand on fallait qu'on descende, on ramassait notre tas et puis on s'en allait. Puis là, dehors, on fallait tout un autobus rire. Enfin, peut-être quelques personnes anciennes qui étaient frustrées et qui piaillaient, là. Ouais. Jusqu'au jour où une personne saoule est venue s'asseoir en plein dessus. Il avait muté, lui. Non, mais là, on a passé la main en dessous. Il fallait qu'on sorte, ça coûte cher. On a sorti le tas de marde et puis on est sorti. Mais l'être humain met de l'émotion dans sa vie. Alors, comment pour... La mutation, c'est quoi? Vous savez que la vie, c'est une vraie farce. C'est comique. La planète Terre est un immense asile psychiatrique et puis on a juste à s'organiser pour avoir du fun dedans. Alors, l'être humain, même si ça sent, parce que bien souvent, ça semble compliqué. On a le choix. Tu as fait des méditations transcendantales. Tu peux méditer assis sur une chaise. Il y en a d'autres qui méditent en position du lotus avec un os dans le nez. Bon, le résultat est le même. C'est plus exotique. Oui, ça pogne plus. Toi, tu te regardes dans le... Il y en a beaucoup qui méditent devant un miroir. Comme ceux qui font des exercices devant un miroir. Ils font de l'exercice. Pour se voir faire de l'exercice. Parce qu'ils le font en deux. C'est peut-être ça, ils le font en deux, ouais. Mais ils veulent se voir, eux, ils le font pour leur ego, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. La personne s'ennuie vite tout seul, elle ne se voit pas, elle ne peut pas se nourrir de son visou, de sa tourniquette, hein? Bon, elle ne peut pas. Comment on fait pour arriver à une mutation dans la gestuelle courante de la vie? On ne met plus d'émotion dans ce que l'on fait, on met de l'intelligence. Il y aura un problème qui, normalement, est amené par les personnes, c'est que si on ne met plus d'émotion, c'est ce que ça veut dire qu'on a l'air bête. Moi, je ne mets pas d'émotion à ce que je vis. J'ai pas l'air bête. On peut rire. Le rire n'est pas une émotion. L'amour, c'est pas une émotion. Ceux qui aiment émotivement, c'est un amour psychologique, c'est un amour conditionnel. Ça, on va en reparler à un moment donné, mais c'est tout à fait, ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir avec l'amour. C'est une forme de possession raisonnée. On met une raison là-dessus. Oui, mais je t'aime, tu peux pas me faire ça. Belle raison. Manipule au coton, je t'aime. Éteins, c'est bon. Pas de l'amour. Alors, l'être humain qui vit ne doit plus mettre d'émotion, donc il doit s'arranger pour que même, parce que son ego va sécréter, son ego va mettre de l'émotion. Alors, tu te fais voler ton automobile, ou encore le cave, il chante dans le métro, ou encore il y a un tas de fibres de verre sur un bel autobus. Et puis, toi, si ton ego sécrète un paquet d'hormones, tu dois simplement être présent là pour constater ce que tu sécrètes et pouvoir dire encore une fois, c'est con, c'est simple. La mutation, c'est con. Très simple. Puis, il faut que tu l'acceptes. À partir du moment où tu l'acceptes, c'est déjà moins non. Con. Non. Tu ne l'acceptes pas. Tu dois développer une attitude au niveau de ton mental, pas au niveau de ton astral, de ta psychologie. Une attitude où tu ne l'acceptes pas. Mais tu en es conscient. Tu en es conscient et tu le tolères. Vois-tu, l'être humain qui est en phase de mutation va avoir un contact avec son intelligence. Donc, il aura un contact avec l'esprit. Donc, de l'esprit, il aura un contact avec un phénomène beaucoup plus puissant que l'esprit. Un phénomène qui permet l'amour dans l'esprit, qui donne à l'intelligence du cœur. C'est plus loin. Par la suite, il aura un contact avec de l'intentionnalité. Il aura la faculté de changer les choses. C'est encore plus loin. Là, présentement, on est en train de découvrir le palier le plus bas des cieux, le plan supramental, l'esprit saint, l'intelligence instantanée. Lorsque l'être humain, donc, vit sa mutation, il aura un jour un contact avec cela. Sauf que l'intelligence le sait, mais ne peut pas appliquer ni l'amour, mais un jour, l'être humain aura un cœur intelligent. Pas un simulacre d'intelligence qu'on appelle l'intellect, qui te fait faire des bombes nucléaires, qui te fait faire du travail à la chaîne au coton pour produire. Ça, c'est la copie, dans le monde de la mort, de la planète Terre, de ce que c'est que de l'intelligence supramentale. L'être humain n'aura pas non plus un amour dans le genre, l'amour qu'on a aujourd'hui, qui est une farce aussi. On a un amour qui donne du cœur à l'intelligence, mais pas l'intellect qui te comprend. Mais fallait pareil. Pas un amour d'idiot. Un amour que l'on retrouve partout sur la planète Terre, dans tout ce qui existe. Ouvre un contenant, c'est bourré d'amour là-dedans. Il y en a qui aiment ce qu'il y a là-dedans. Bon, il faut croire que des fois, c'est la boisson qui aime la personne, mais il y a de l'amour qui est sur la planète. Mais c'est un amour qui est tout à fait mortuaire, c'est un amour qui est conditionnel, qui est attractif, qui est possessif. Lorsque l'être humain vit sa phase de mutation, le peu d'intelligence qu'il habite, il y a à peu près 5 % d'intelligence qui habite normalement 95 % d'ego. Et c'est suffisant, parce qu'il faut faire attention, 5 % d'intelligence, souvent les gens vont dire, crime, il n'est pas généreux. J'exagère un peu dans 5 % déjà. Peut-être 4. Oui. Le 5 % d'intelligence, par contre, il a la puissance. C'est comme je disais l'autre fois, on peut avoir 350 000 bombes faites avec la TNT, puis on peut avoir une seule bombe thermonucléaire. Ah, mais une bombe, t'as rien qu'une bombe thermonucléaire, moi j'ai 5000 bombes à dynamite. C'est pas grave, envoie tes bombes, je vais t'envoyer ma bombe. OK? Alors, t'as 5% d'intelligence, mais contre 95% d'ego, nécessairement l'intelligence va gagner. C'est déjà réglé. Sauf que ça ne paraît pas dans l'expression de l'ego. Quand on vit une chose, l'être humain doit, son intelligence doit être suffisamment présente pour se rendre compte. Je prends de l'eau, je la renverse sur moi. Et là, je me dis, ah merde. Bon, le ah merde, il est con. Oui, parce que c'est pas de la merde, c'est de l'eau, premièrement. Deuxièmement, ça ne change rien à rien. De l'eau, ça sèche, de l'eau, ça mouille, de l'eau, ça change rien. Alors, je dis, ah merde. En même temps, je dois constater que ce que l'expression que je fais là est une expression de mon ego, l'expression de mon âme, une expression qui ne sert absolument à rien, à part me faire sécréter, me mettre en colère. C'est toi qui veux le renverser de jaser après. Ce que j'ai à faire, simplement, c'est... Ça ne fera pas sécher plus vite. Ça fait rien. Alors, je dois simplement constater que la réaction que j'ai... Non, c'est con, ça. Bon. Mais le problème... Pourquoi je dis qu'on doit tolérer et non pas accepter? J'accepte. Je reste un minable, un médiocre, un soulier. Je ne dois pas non plus vouloir tout changer parce que c'est mon ego qui voudra changer. Mon ego n'a aucun libre arbitre. La problématique de l'homme, c'est qu'il peut tout et il ne peut rien. Alors, c'est la problématique de l'homme. Je dis, l'homme peut tout. Alors, la personne a dit, oui, oui, toi, tu peux rien. Parce que là, c'est ton ego qui crie. Ton ego peut rien. Une personne est, bon, on fait un similaire. La personne est extrêmement calme, lucide. On jase ensemble, ça marche. Elle a un ajusteur de pensée. Elle a une extra-astralisation, l'âme est légèrement sortie, donc elle n'est pas manipulable pour l'instant. Et puis, à un moment donné, elle découvre des choses extrêmement originales, et c'est suffisamment puissant pour que l'âme soit informée, ça ramène l'âme lentement. La personne me pose une question. Est-ce qu'un jour, on peut arriver à rajeunir? Moi, je lui réponds, si on est capable d'accepter qu'on puisse vieillir, c'est aussi impossible que de rajeunir. C'est parce qu'on l'a vu tellement faire, le vieillissement, qu'on dit c'est normal, mais ce n'est pas plus normal que le rajeunissement. La personne la comprend. Ça serait donc possible. Ben oui, c'est évident. La personne la comprend. Et puis, à un moment donné, ben là, elle dit, hey, c'est au bout. Là, maintenant, je lui dis, présentement, tu vieillis. C'est quel problème? Il y a la partie intelligente chez l'homme, le 5% qui, de temps en temps, est exprimé chez l'homme. Et il y a le 95% d'ego qui, immédiatement, s'empare du petite expression 5% pour pouvoir triper dessus. Alors, dans la vie, c'est la même chose. Je donne l'exemple, à un moment donné, d'une personne qui va dans un party et qui doit s'en égoïser. Alors, toi, tu es une personne qui est une personne qui se prend pour un autre, enfin, qui se prend pour un paquet d'autres. Et puis là, tu nous expliques tous que quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu le manipules à volonté. Et là, tu me regardes dans les yeux pour bien expliquer ça. Et puis, à un moment donné, eh bien, quand on sort, eh bien, tu allumes ton automobile et puis tu as une panne d'essence. Ça ne marche pas. Il n'y a rien à faire. Et là, tu me regardes dans les yeux, tu sais pas, pour que j'aille te chercher l'essence. Alors, si je mets de l'ego, tu vas rester là. Si je veux muter, je dois te regarder, je dois te faire signe que j'ai compris, et je dois aller chercher de l'essence. Là, je ne suis pas manipulé par toi. Oh, tu le sais pas, tu es convaincu que ça marche. C'est peut-être même la première fois de ta vie que ça marche. Ça n'a aucune importance. Mon évolution, ma mutation est beaucoup plus importante que toi. Alors, je n'ai pas de leçon à te donner. L'individu peut dire, oh oui, il a besoin d'une leçon. Ouais, il perd des occasions que la vie lui donne de muter en leçons qu'il distribue aux autres. Bon. Alors, la leçon que m'a donnée, tu l'as oubliée tout de suite, ça ne change rien. Je vais chercher l'essence, je t'amène l'essence, je te remplis ton réservoir avec mon petit galon. Je te dis même, oh, pas besoin de payer, c'est correct. Ah, t'es-tu content là? Mais là, je suis en train de t'en donner une leçon. Tu ne le sais pas. Mais c'est même pas grave. La vie, elle est bien faite quand l'intelligence s'en mêle. Je retourne dans mon automobile et puis j'ai gagné. Je suis mon seul maître. Où il y a le danger, c'est hein, bon, ben je l'ai fait, hein, j'ai réussi. T'es mort, fini, capote. Là, ton ego vient de triper sur ta réussite. T'as muté un peu, mais t'es en train de reprendre de dessus. Alors, nécessairement, on fait une conférence sur la mutation. On va revenir sur le thème à un moment donné. Vous posez vos questions comme on a fait un peu au début, un peu avant la conférence. Donc, ça nous permet de mieux la paramétrer. Mais l'individu devra prendre le temps qu'il faut pour pouvoir accepter cette mutation. C'est-à-dire que chaque fois qu'il manque son coup, qu'est-ce qu'il doit dire? C'est stupide, c'est con. Mais pas se culpabiliser. Là, il met encore de l'émotion. Je dis tolérer parce qu'un jour, tu manipuleras les choses. Moi, je tolère d'être obligé de prendre un verre d'eau pour boire. Le tolérant, j'induis une attitude mentale qui fera qu'un jour, le verre viendra à moi ou qui fera qu'un jour, je n'aurai plus soif. Mon corps ne se déshydratera pas ou il prendra suffisamment l'humidité que dans l'air pour arriver à s'abreuver. Présentement, je tolère d'être limité. J'en comprends l'intelligence, le corps en a besoin, ça me permet de ne pas évoluer ce corps. Ça ralentit l'évolution mutatoire, soit, mais ça empêche totalement l'évolution, étant donné que je suis un être humain qui avance par en avant. Le corps et mon avancement fait que je ne peux absolument pas reculer. Mais pas de corps physique, ça pourrait être risqué. Alors, je comprends l'intelligence des limitations corporelles, je comprends l'intelligence de temps en temps de faire certaines choses pour réhabiliter mon corps physique. Je le vois et je l'accepte, je le tolère. Sauf qu'un individu qui accepte, pouf, oh, mais c'est ça, c'est un minable. C'est un conquis. Il n'y a rien à faire avec lui. Il n'est pas un être qui se tiendra debout. Il est un être qui aura toujours besoin de se faire donner son mantra. Il n'en verra pas l'intelligence. Il faut qu'il paye cher. On va faire un peu de questions. OK. Le manque d'énergie et la fatigue sont-ils des symptômes de la mutation? Si oui, comment peut-on s'en débarrasser? Bon. C'est la dernière partie. Le manque d'énergie et la fatigue sont-ils des symptômes de la mutation? Le manque d'énergie et la fatigue sont des symptômes de l'évolution et non pas nécessairement de la mutation. L'évolution veut simplement dire transformation. Transformation peut être horizontale, elle peut être verticale. C'est-à-dire que le crapaud peut finir par avoir un doigt de plus. Le crapaud peut finir par avoir des petites boules dessus qui éclatent quand on le touche et ça, c'est vénéneux. Le crapaud peut avoir une langue plus longue pour attraper des bébites. Le crapaud peut avoir des cornes. Ce sont de l'évolution, c'est une forme de mutation horizontale. Le crapaud reste toujours un crapaud. Alors, on a l'être humain qui évolue d'une façon horizontale. Il est chrétien, pouf, il est témoin de Jéhovah, pouf, il est Krishna, pouf, il est mormon, pouf, il est chrétien. C'est horizontal. Alors, donc, quand on parle de manque d'énergie, de fatigue, eh bien, ça peut être des symptômes simplement d'évolution horizontale. Alors, tu travailles trop, tu ne mutes pas, mais tu travailles trop, tu vieillis, tu épuises ton corps. Tu as trop d'orgueil, tu es toujours en train de défendre ton point de vue, de défendre ceci, de te protéger, de t'organiser le visage, de te mettre des produits contre l'acné, d'ajuster ta perruque, de te faire transplanter des poils, de te raser les dessus de bras, de te peinturer le visage. Tu mets plein d'énergie. Et nécessairement, tu arrives à des manques d'énergie, des manques de fatigue. Autre chose aussi, tu ne sais pas bien respirer, tu ne sais pas bien manger, tu perds de l'énergie. Tu te fais drainer continuellement par une manipulation astrale ou par une possession interne pendant ton sommeil, tes cauchemars. Pendant ton sommeil, tu ne gagnes pas le lieu astral d'où tu as été réincarné. On appelle le paradis céleste. Pendant ton sommeil, ton ego n'arrive pas à se paradisier. Alors nécessairement, ça prend 6 heures, 8 heures, 9 heures, 12 heures. Tu te lèves, tu as l'air aussi fatigué que le matin, que le soir avant de te coucher. Parce que tu n'arrives pas à paradisier ton ego au niveau du monde de la mort, tu n'arrives pas à bien dormir. Nécessairement, l'évolution mutatoire ascendant, l'être humain est globalement un être ascendant, quoique individuellement, bien souvent, il est stagnant. Ça prend des millions d'années pour augmenter un peu le iota. Lorsque l'être humain vit une évolution mutatoire ascendante, nécessairement, il risque de manquer d'énergie. De temps en temps, il aura beaucoup d'énergie parce qu'il a la faculté, ou il aura la faculté, d'ouvrir des canaux avec son ajusteur de pensée dans le plan moronciel. Cette énergie-là, elle durera une journée, deux jours, trois jours. Comme après un séminaire, souvent les personnes ont trois semaines, un mois d'énergisation qui vont en diminuant, le temps qu'il absorbe. Lorsque l'individu, dans une mutation, commence une reprogrammation du cerveau, parce que le cerveau mute, il y a une mutation cérébrale, alors ça demande énormément d'énergie vitale. La personne aura moins le goût de faire de relations sexuelles. Elle aura plus le goût de parler pour permettre à l'ajusteur de pensée de pouvoir continuellement travailler la reprogrammation neuronique en ajustant le phénomène de la parole ajustant la pensée. Et il y aura des symptômes comme ça qui peuvent engendrer des phénomènes pathologiques, des petites maladies, et l'individu peut aussi être fatigué. Chance que je ne suis pas féministe parce que tu as ouvert la porte. En mutant, tu as moins le goût de faire l'amour, tu as plus le goût de parler. L'homme va-t-il devenir une femme? Effectivement, l'homme va évoluer. Comment muter mon corps pour que son besoin sexuel hormonal ne s'exprime plus et que cela ne et que cela cesse de me rendre inefficace. Comment muter le corps pour que le besoin sexuel hormonal ne s'exprime plus, que cela me cesse de me rendre inefficace? C'est sans doute une question masculine. Bon. L'une des grandes problématiques est nécessairement le phénomène sexuel chez l'homme, qui a un corps physique conçu dans le but de donner la vie. Le corps physique de l'homme est positif, le corps vital de l'homme est négatif, ce qui fait que le corps vital de l'homme étant négatif, il manque régulièrement d'énergie, et cette énergie-là, il peut la puiser chez la femme. Le corps physique de la femme est négatif, il reçoit, le corps vital de la femme est positif, c'est lui qui donne la vie. Et nécessairement, lorsqu'il est l'homme, le mâle a une relation sexuelle avec une femme, il la tête, de toutes les façons. Alors, il ramasse donc son énergie. Et c'est pourquoi bien le corps physique de l'homme est bâti hormonalement de façon à créer des stimuli biologiques qui engendrent une relation au niveau de la psychologie, permettant à la psychologie de vivre au niveau de son ego des mémoires qui l'obligent à retrouver un événement physique dans le but de réalimenter les mémoires. Autrement dit, on appelle ça une stimulation. Stimulation psychologique, puis finalement, elle est faite. Masse une femme, elle va s'endormir. Si elle te masse, c'est compliqué. Alors, les stimulations psychologiques. C'est la même chose. On doit simplement continuer à intelligencer, à légiférer sur nos phénomènes. Quand le gars est au moindre coup de vent, il y a des problèmes. Ben, tout ce qu'il a trouvé, tout ce qu'il a à faire, c'est de trouver ce con. S'il est pris à le faire, qu'il le fasse. En trouvant ce con, lui n'est pas con. C'est une chose qu'il faut que les gens arrivent à comprendre. Et c'est un phénomène intéressant. Tu fumes présentement. Fumer, est-ce que c'est stupide ou intelligent? Il faudrait que je réponde. Répondons. Oui, il ne faudrait pas répondre. Répondons ouais. ce que tu penses que c'est. Je pense que c'est ni un ni l'autre. Bon, mais est-ce que la cigarette est nuisible au corps physique? Oui. Bon, tu fouilles tes mémoires pour répondre, mais quand même, je réponds. Alors, finalement, si je te pose la question, grosso modo, est-ce que c'est stupide ou intelligent? Tu dis, il faudrait que je réponde, c'est stupide. Mais tu as réfléchi avant, pourquoi? Parce que l'ego réfléchit, l'ego se dit, si je dis c'est stupide, ça veut dire que je suis stupide vu que je le fais. Alors là, l'ego, et c'est pourquoi la réponse est plus dure qu'on pense. C'est la parole juste, hein? Son séminaire, j'avais fait celui-là. Ouais. Alors, ce qui arrive simplement, c'est ça le problème. Si tu dis c'est stupide, la deuxième question qui va suivre, es-tu stupide? Mais la réponse est facile. Si tu sais que c'est stupide, c'est que tu n'es pas stupide. C'est simple. Alors, si fumer, c'est stupide, c'est que moi, je ne suis pas stupide. Je le sais. Ouais, mais je le fais. Non, tu es manipulé. Ça ne te regarde pas pantoute. Ça n'a rien à voir avec ton intelligence. Alors, tu veux manipuler, avoir des relations sexuelles régulièrement? C'est stupide. C'est con. La preuve, il n'est pas efficace. Il le dit. Donc, ça lui nuit. Alors, même si ça, c'est stupide, et même s'il le fait, lui n'est pas stupide, il le sait. Et c'est ça le problème qu'il y a, c'est que l'ego s'identifiant à tout ce que tu fais. Un exemple. Psou! Excusez! Rien de plus stupide! T'éternues pas volontairement! C'est pas de ta faute! Ça te regarde pas partout! C'est ton corps physique, ton système pulmonaire et nasal qui a le goût de faire du bruit. Alors, tu fais à pchou! C'est tout! Excusez! Voyons donc. Rote ou pète, ça change quoi? C'est pas de ta faute! Bon. Alors, si c'est pas de ta faute, t'as pas d'excuse, mais l'être humain s'identifiant à l'ego, s'identifiant à ce qu'il exprime, nécessairement pense que c'est lui, ça. Tu pètes, t'es un pèteux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a foutrement rien à voir avec ton système intestinal qui ramasse de l'air. Ça n'a rien à voir. T'es pas un mauvais gars parce que tu pètes. C'est simple. C'est la même chose pour l'éternuement ou pour un paquet de phénomènes. Alors, tu as besoin de relations sexuelles, c'est pas toi, c'est ton corps physique. Oui, mais j'aime ça quand j'ai commencé, c'est pas toi, c'est ton ego. Mais moi, je suis quoi là-dedans? T'es celui qui trouve que c'est con. C'est ça, toi. Alors, si c'est ça, toi, quand ça arrive, mais sois là, puis trouve ça con. Puis, à un moment donné, la connerie va disparaître. Tu vas lentement muter ton corps physique. Il y a celui qui mange, il y a celui qui aime manger, puis il y a celui qui regrette d'avoir mangé. Celui qui regrette, c'est pas lui qui a mangé. C'est pas un cave. Celui qui regrette, il n'a pas mangé, il n'a pas à se sentir coupable. Il y a juste à dire, c'est con. Et puis, à un moment donné, ben, ça va tellement con qu'il ne mangera plus. J'ai cru comprendre que que des êtres venus d'ailleurs, en parenthèse, entre guillemets, c'est-à-dire, et en phase de refroidissement, visent à la fusion avec des humains. Question. Est-ce qu'un ou une humaine s'aperçoit de la fusion le cas échéant? Bon. Dans tous les cas, oui, l'humain ou l'humaine s'en aperçoit, mais lorsque la fusion est faite Lorsque la fusion est en cours, l'humain, l'ego, peut être instruit dans le petit véhicule qu'on appelle la pensée. L'ego peut être instruit que ce n'est pas ça qui arrive. Alors, il le sait et maintenant, il fuit ce qu'il sait. Finalement, il l'aura oublié, donc il ne le saura plus. Il n'y a aucun être humain qui ne peut être assujetti à un phénomène extraterrestre sans en être conscient. Habituellement, l'humain va être assujetti. Présentement, l'humain n'a pas l'évolution nécessaire pour permettre la fusion ou le contact fusionnel entre un extraterrestre, c'est-à-dire un être qui provient de cette créationnalité, mais qui n'a pas l'évolution aussi avancée que celle de l'homme, un être qui n'a pas la limitation de l'homme, mais qui est en phase d'involution. Donc, présentement, il est supérieur à l'homme dans son état actuel virtuel, mais il n'est pas supérieur à l'homme du point de vue du temps cosmique, c'est-à-dire exactement comme si je dis à un individu, par exemple, il y a des personnes qui me rencontrent et qui me disent, « Moi, mais vous, M. Kem, vous êtes pas mal évolué. » Moi, je réponds souvent, « Non, moins que toi. »« Ben, voyons donc, ce que vous dites. Ouais, »« Toi. » Courbe descendante d'évolution, il se refroidit. Nous sommes arrivés en bas, nous sommes en train de monter. Lui, il descend et nous montons. Quand nous le voyons, ah, il est bien mieux que nous autres. Et lui, s'en va par en bas. Alors, d'ici quelques milliers d'années, on va être pas mal plus évolué que lui. Par contre, l'extraterrestre, au niveau où nous pouvons en rencontrer certains, nous pouvons vivre une fusion entre lui et nous, ce qui fait que nous sommes psychologiquement trop faibles. La fusion entre l'extraterrestre et l'être humain fait en sorte que l'âme est totalement détruite, qu'il n'y a pas de double éthérique constitué et que l'extraterrestre prend possession du corps physique. De cette façon, l'extraterrestre cesse son évolution, prend possession du corps physique, s'assoit dedans et maintenant va pouvoir recommencer à évoluer. Nécessairement, l'extraterrestre est un phénomène qui est énergétiquement, à partir de certains faisceaux collectifs, il va s'arranger pour que l'humanité puisse servir de réceptacle au reste de son même faisceau énergétique descendant, donc à un paquet d'autres extraterrestres. L'être humain est immédiatement en contact. Présentement, la majorité des psychologies qui entrent en contact avec le phénomène extraterrestre sont des psychologies relativement faibles et le contact extraterrestre est un contact spirituel. Un contact qui donne des missions, un contact qui bien souvent dit aux gens, n'en parlez pas, et ces gens-là en parlent tout le temps, et un contact de ce genre. Il y a la pire chose qui est arrivée à la planète Terre à un moment donné a été lorsqu'un contingent extraterrestre a eu la faculté de convertir l'humain, que l'humain était ses créatures, et que l'humain pouvait être immortel, parce que de toute façon, avant la vie, après la vie, il n'y avait rien. Alors, pour quelques milliers de dollars, on vous prenait une cellule ou deux sur votre corps, on vous prenait un petit bout de peau, et on amenait ça sur une autre planète, et à votre mort, on reconstitue votre corps par clonage, et vous étiez réincarné. En réalité, quand vous allez mourir, vous allez continuer le processus évolutif de la Terre. Par contre, sur l'autre planète, on a déjà recréé un corps comme le vôtre qu'on essaye d'habiter. Et sur ces planètes-là, votre corps devient rapidement de la boue, comme les extraterrestres deviennent ici, ce qui fait qu'ils manquent leur coup à ce niveau-là. L'extraterrestre, quand il traverse les sphères astrales de notre planète, le monde de la mort, il perd énormément de sa vibration et bien souvent, lorsqu'ils arrivent ici, ils n'ont plus l'intelligence qu'ils avaient au-delà de notre contexte. C'est pourquoi ils font quelques conneries. Comment l'énergie peut engendrer la matière? Bon, alors c'est un peu trop long à expliquer ici. Une chose qui est certaine, c'est que lorsque l'on prend de l'hydrogène et qu'on arrive qu'on prend certains métaux et on arrive à faire une fusion pour engendrer de l'hélium, pour engendrer d'autres phénomènes, eh bien, on prend de l'énergie et on la transmute en matière et on a de la matière. Lorsqu'on prend une bombe nucléaire, à fission nucléaire, on prend la même matière, on la brise et là, on se ramasse avec énormément d'énergie. Alors, du point de vue strictement concret, on peut constater dans le concept de la bombe nucléaire et de la bombe thermonucléaire, la bombe par fusion et la bombe par fission, qu'effectivement, l'énergie et la matière, c'est le même phénomène. L'énergie devient matière comment? Simplement par densification. Alors, ce serait très, très, très long à expliquer ce soir. Je ne pense pas revenir sur ce sujet en conférence régulière, à moins que le contexte y prête. De quoi est composée l'énergie? C'est la même chose. Quelle propriété énergétique a le cristal? Le cristal n'a aucune propriété énergétique. Le cristal a des propriétés ondoformiques. Un onde de forme, pour en plus de réponses, j'en ai déjà parlé en conférence. Qu'est-ce que l'énergie pour l'énergie? Et aussi attention aux ondes de forme. Onde de forme est la forme dégagée par un objet. Le cristal reçoit différentes formes lumineuses et différentes ondes, cosmiques et planétaires. Et par sa forme, il absorbe ce qu'il a absorbé et il rejette le reste. Ce qu'il rejette est l'onde de forme. Et l'onde de forme, selon le cristal et selon l'onde de forme de l'individu qui devra en bénéficier, il peut y avoir une espèce de restructuration harmonique qui va permettre au corps physique ou au corps périspiritique, donc au corps psychologique de l'individu, de vivre certains états ou même de voir restaurer sa santé. Ce n'est pas une propriété énergétique. Le cristal n'émet pas d'énergie. le cristal n'émet des ondes de forme. Alors, les deux autres questions, ce serait un peu trop grand à répondre pour l'instant. Quand on parle de technique de voix utilisée dans l'Antiquité, à quel thème sonore fait-on référence? C'est sur du papyrus, hein? Quand on parle des techniques de voix utilisées dans l'Antiquité, à quel timbre sonore fait-on référence? Nécessairement, on fait référence à la voix juste, une voix mentale, une voix qui n'a pas d'émotion dedans, une voix qui a la faculté aussi de transmettre l'intentionnalité de la pensée, l'intentionnalité de la force égoïque stimulée par le phénomène de la pensée, à travers le phénomène de la voix et les cordes vocales, ce qui permet à la voix, avec une structure très complète de l'intentionnalité de l'orateur, d'engendrer ce qu'on appelle le verbe. Et le verbe a la faculté de faire vibrer une matière jusqu'à un point où l'onde de forme de la matière devient altérée. Lorsque l'onde de la matière est altérée, la matière n'a plus la même consistance au niveau spatio-temporel, ce qui peut permettre à un bloc de 15 tonnes de peser 4 tonnes, de peser un peu moins et même de flotter. Alors, dans l'Antiquité, on avait certaines personnes qui avaient cette voix juste, je ne parle pas de parole juste, l'homme nouveau, celui qui mute, la femme nouvelle ainsi que l'enfant nouveau, devra développer une parole juste, par la suite, il devra retrouver une voix juste, et nécessairement, il y a une parole et une voix juste, il aura le verbe. Le verbe aura donc cette faculté, premièrement, de malléabiliser, de plastifier la matière, et aussi de transformer, d'altérer l'imposition que va faire une structure matérielle en termes d'espace-temps sur ce que nous faisons nous autres, autrement dit, de l'alléger, et même de la rendre tout à fait à l'aise. Alors, quand on parle de techniques de voix, ces techniques de voix étaient reliées à une génétique extrêmement particulière d'une race en voie de refroidissement, qui était la race humaine à l'époque, et certaines génétiques de ces personnages qui n'avaient pas tout à fait la structure biologique que nous avons aujourd'hui, ils pouvaient passer plusieurs journées, plusieurs mois sans dormir, ils ne mangeaient pas énormément, et parce qu'ils se nourrissaient de l'énergie yin et yin de l'air. Ces personnages n'existent plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le corps physique est devenu beaucoup plus dense. Or, les techniques de voix ancestrales ne sont pas à pratiquer parce qu'elles sont tout à fait inutilisables, étant donné qu'on n'a pas le corps physique qu'il faut pour les pratiquer. Et c'était les techniques de voix utilisées dans l'Antiquité. Quand l'humain est devenu un petit peu trop refroidi, eh bien, on a réussi à transformer la technique en instrument de musique. Et on a eu des instruments de musique qui avaient la faculté résonante, étant donné la constitution de la matière, d'engendrer une espèce de copie, de transmettre l'intentionnalité du musicien à travers la musique. Et là, encore une fois, plus proche, disons, de Khéops, on pouvait jouer de la musique pour pouvoir altérer la matière. Et finalement, la musique n'a servi plus tard qu'à entrer en contact avec le monde de la mort, les dieux. Puis finalement, ça sert encore toujours à ça, comme le heavy metal, c'est pour entrer en contact avec l'enfer, et puis d'autres musiques, c'est pour entrer en contact avec d'autres sphères du monde de la mort. Est-ce qu'on pouvait penser à ce moment-là que les déplacements des gros blocs pour bâtir les pyramides pouvaient être faits? Khéops, les blocs ont été allégés par manipulation de la main, par imposition des mains sur les blocs au niveau des pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos. Mais antérieurement à ça, il y a eu des constructions au niveau de l'Inde, il y a eu des constructions au niveau aussi de la basse Égypte qui ont été conçues à partir de structures vocales. L'île de Pâques, certaines structures ont été allégées dans le tout début des constructions des statues de l'île de Pâques, tandis que les dernières statues, ça n'a pas été fait. Plus l'être humain vieillissait, parce que l'île de Pâques, c'est des descendants du phénomène lémurien, d'ailleurs, descendant même des catastrophes muviennes, les derniers, les Pasquins, ont eu à lutter contre l'attaque des Ramahal, qui est une race atlantéenne, une race de géants rouges, les cyclopes, disons, d'Homère. Et finalement, ils ont reproduit des statues en regard de ces cyclopes-là, de ces géants-là. Ces géants qui n'ont les Ramahal n'avaient pas seulement un œil, là, mais c'est la même sous-race ou sous-racine des races mères de ce qu'Homère a parlé au niveau des cyclopes. Et vers la fin, étant donné que leur densification était continuelle, parce que la densification humaine s'est arrêtée au niveau de l'Atlantide un peu après l'écrasement de l'atmosphère aqueuse sur la mer, parce qu'on parle de déluge au niveau de Noé, qui Noé était un scientifique qui travaillait dans les îles Galapagos. Alors, lorsque ces phénomènes-là ont arrêté, eh bien, l'humain est devenu tellement dense que le chant n'a plus fonctionné. Alors, on a les retours rongo-rongo, les bois parlants au niveau de Mu qui comptent un peu ces choses-là, au niveau de Pâques. Et puis, plus ça allait, plus ça se refroidissait. Alors, finalement, les statues ont été amenées de moins en moins proches de la plage parce qu'elles étaient de plus en plus pesantes. Le système musical ne fonctionnait plus et les dernières statues sont carrément restées là, étaient carrément trop pesantes. Le système des poules bananes n'a pas fonctionné suffisamment. On mettait des poules bananes et puis tu sais à quoi ça sert les bananes. Alors, ils glissaient les géants dessus, mais les géants ont glissé. On les a retrouvés à terre. Donc, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé, mais enfin, ça l'a bloqué l'évolution spirituelle de Pâques. Quelle est la différence entre la mutation et la transmutation? Voilà. Comme entre la canadienne et la transcanadienne. Mais c'est un peu ça. Ça ne mettra plus, toi. On va te faire méditer avant. Oui. Transmuter, c'est un terme qui s'applique à l'alchimie. Muter, c'est un terme qui s'applique à Al. Alors, chimie, alchimie, c'est la chimie de Al. Al veut dire Dieu, Allah. Alchimie, chimie de Dieu. Transmuter est l'expérience exprimée extérieurement par l'alchimiste, le chimiste de Dieu. Al, c'est lui, Dieu. Alors, il transmute la matière, il transmute le plomb en or, ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais il le faisait avec des façons plus énergétiques. Le grand œuvre, il faisait la pierre philosophale. Transmuter du point de vue chimique, la terminologie veut simplement dire muter l'extérieur. Par contre, la mutation fait référence à Al, Dieu, l'homme. Alors, la mutation est intrinsèque. L'alchimiste transmuait la matière. Dans l'expérience évolutive de la transmutation matérielle, il pouvait appliquer une partie de celle-là chez lui et il mutait, il ne transmutait pas. Alors, lorsqu'on parle de transcender, eh bien là, on parle en réalité d'ascension. C'est ascender. La transcendance, c'est un terme qui est un peu faux. Méditation transcendantale, c'est le même phénomène. C'est la race qui était en ascension, l'humain en étant inconscient. On peut parler de transcendance. Mais lorsque l'humain fait quelque chose de conscient, il ne transcende pas, il est en phase d'ascension. Il ne dépasse pas, il accumule tout le phénomène au complet et il devient monobloc. La conscience n'est pas transcendantale, elle est ascendantale. La mutation, c'est la même chose. L'être humain est mutatif, il n'est pas transmutatif. Je peux te transmuter en crapaud. Bon, mais tu peux te muter en crapaud. Ou trans, ça s'applique à quelqu'un d'autre qu'à soi. Oui. Expliquez plus en détail comment se produit la mutation au niveau moléculaire. Bon, pas trop longtemps. À un moment donné, on pourra discuter. De temps en temps, je reste après les conférences. Ce soir, je vais rester un petit peu, mais pas trop longtemps parce que j'ai un cours toute la fin de semaine. Et de temps en temps, similaire, on peut en parler un peu. En détail, la mutation au niveau moléculaire. Bon, alors, comment la conscientisation peut-elle engendrer des mutations spécifiques à l'échelle des bases nucléotides de l'ADN? Bon, il faut comprendre, premièrement, qu'il y a régulièrement des mutations au niveau du corps physique de l'être humain, comme au niveau de n'importe quoi. Alors, si on est capable d'accepter qu'une tortue ou qu'un papillon arrive à muter pour s'adapter lentement à des conditions écologiques différentes, il n'a même pas de conscience chez lui, l'être humain aussi arrive à le faire. D'après Charles Darwin, on a connu l'évolution adaptative animale. L'être humain a vécu aussi par l'évolution adaptative, c'est-à-dire qu'il s'adaptait à l'extérieur. Mais l'être humain, depuis la race aryenne, a une évolution améliorative où il adapte l'extérieur à lui. Malgré tout, l'être humain a la faculté de muter. Alors, de temps en temps, il y a des facteurs pathologiques qui peuvent apparaître, des facteurs pathologiques qui n'existaient pas dans le code ADNique et qui, à un moment donné, sont récessifs. Et ces facteurs peuvent apparaître dans plusieurs corps physiques, étant donné que les individus vivent les mêmes contraintes sociales, donc les mêmes contraintes astrales et psychologiques. Et ces facteurs récessifs peuvent apparaître lentement à travers les structures ADNiques et à travers les mixages génétiques, c'est-à-dire l'enfantement. À un moment donné, à travers les générations, des personnes qui ont ces facteurs récessifs de plus en plus dominants peuvent arriver à se mixer ensemble et engendrer un enfant qui aura cette maladie ou qu'il y aura certains facteurs qui lui permettront d'être quelque chose de différent. Alors, l'un des exemples les plus majeurs, c'est lorsqu'on va on retourne dans le passé un peu et on regarde les tribus, soit les tribus amérindiennes ou les tribus de d'autres peuples, un peu plus loin dans l'Antiquité, où on a des peuples pas trop brillants, et à un moment donné, à travers ces peuples pas trop brillants, des parents pas trop brillants donnent naissance à un génie, à un chef ou à un grand sorcier. Celui-là a accumulé les facteurs mutatoires récessifs de l'ensemble à travers des générations. Et à un moment donné, eh bien, il les a en dominance, et lorsqu'il vient au monde, son corps physique est différent, ce qui se réincarne est différent, et son cerveau ainsi que son système endocrinien acceptent la vie d'une façon différente, il devient un chef, il devient un génie, c'est un homme nouveau par rapport à son clan. De quelle façon ça se passe? Eh bien, on doit savoir que la chaîne d'ADN, la personne le sait déjà. Alors, il y a des sucres, et il y a des liaisons moléculaires entre certaines protéines, quatre entre autres, et de temps en temps, il y a des brisures au niveau du code génétique, au niveau du code ADNique, des brisures qui sont causées par de l'électromagnétisme, par des stress, par de l'oxydation au niveau cellulaire, par des réactions intracellulaires qui sont pathologiques, soit par empoisonnement, par l'alimentation, par la respiration, respirer des gaz, fumer, se droguer, etc., ou simplement par agression vitale, et ce qui se rapproche le plus de l'énergie vitale, c'est le feu ou la radiation. Le feu se rapproche énormément et c'est pourquoi dans l'Antiquité, lorsqu'on voulait détruire un sorcier ou une sorcière, on le brûlait vif, donc vivant, parce qu'en le brûlant vivant, on détruisait son corps vital. Si on tuait le sorcier ou la sorcière, le corps vital se détache du corps physique. Le corps peut commencer à pourrir, étant donné que la matière vitale, la mémoire du corps n'est plus là. Et notre sorcier, s'il est suffisamment restreint au monde de la mort, au plan moronciel et au monde de la planète Terre, il peut rester un bout de temps et hanter la place. Alors, pour éviter cela, on brûlait les sorciers vivants, donc on détruisait leur corps vital par le feu et l'âme gagnait le monde de la mort immédiatement. La radiation, elle a la possibilité d'engendrer des mutations génétiques. Depuis Hiroshima, on connaît la farce. L'énergie vitale, c'est la même chose, à un degré plus humain, plus nominal et plus lent. Et c'est ce qui va amener chez l'être humain des mutations lentes de certaines protéines au niveau de son code ADNique, au niveau de l'hélice. Et lentement, ces mutations, qui ne servent à peu près à rien, qui ne paraissent à peu près jamais, s'accumulent au cours des générations pour engendrer des maladies nouvelles et engendrer aussi des personnes nouvelles, des systèmes neuroniques différents, des systèmes de programmation axonique différents, des systèmes endocriniens différents, et surtout des résistances par les récepteurs spécifiques aux hormones, ce qui permet au système corporel de moins exprimer la psychologie exprimée par le système hypothalamien. Alors, à un moment donné, eh bien, si la personne, on s'en compte, on pourra peut-être s'amuser à dessiner sur un tableau. C'est plus facile de dessiner un peu ces choses-là pour arriver à comprendre de quelle façon cela se fait. L'être humain est en perpétuelle mutation. Quelles que soient les plantes ou n'importe quoi, ça se mute. On a le mixage des plantes. On prend une pomme, on prend une poire et on en fait des poires-pommes, des pommes-poires, etc. Le mélange des races entraîne cela, mais la vie elle-même aussi, les conditions, ce qu'on appelle le milieu, entraîne toujours des mutations au niveau de tout ce qui est vivant, donc de tout ce qui a la possibilité de muter, ce qu'on appelle la vie, et nécessairement l'être humain, lui, qui a un ego et une force de manipulation du corps physique extrêmement plus puissante que le reste de tout ce qui existe sur la planète, il a aussi la faculté de se muter consciemment. Lorsque l'être humain se mute totalement, au niveau de sa génétique, il ne ressemble absolument plus à ses parents, alors il s'est mis au monde, il est rené, il est tout à fait neuf. Comment fait-on pour savoir si on a vraiment cellularisé une mécanicité ou un phénomène? C'est extrêmement simple. La leçon qui nous l'amène cesse de disparaître. Faites voler votre char, toi et moi. Là, c'est cellularisé, ça ne vous dérange plus. Tu n'achètes plus de char. Ou t'es assuré. Et là, encore parti. Bon, ben, c'est pas grave. Tu prends ton petit appareil qui a des téléphones, là. Il y en a un qui a le numéro de l'assureur, tu sais. L'assureur, il y a une ligne pour toi. Et puis, ça ne te dérange plus. Et ça ne te dérange vraiment pas. Aucune sécrétion hormonique. Rien. Tout est parfait. Ça ne te dérange pas. Tu as un autre char. Ça ne fera plus voler. Pourquoi? Parce que c'est une manipulation astrale qui t'oblige à sécréter. Tu ne sécrètes plus. Il n'y a plus de raison que ça t'arrive. Ça ne t'arrive plus. C'est comme s'il y a quelqu'un qui investissait dans toi, mais tu ne rapportes rien, donc il ne réinvestira plus. Il y a l'évolution de l'animal humain et l'évolution de l'être humain. L'évolution de l'animal humain, c'est l'évolution de 99,9% de l'humanité. Il y a des fractions d'humains, autrement dit, qui ne sont pas assujettis. Il n'y a pas d'humains encore. L'évolution, donc, on évolue en animaux, en troupeaux, en société, etc. Et on évolue collectivement avec la mode, les sols, les candidat-on. Et l'évolution de l'animal humain, qu'est-ce que c'est? C'est une évolution pour former le corps physique, pour le muter. L'intelligence a besoin d'un corps physique solide. Alors, nécessairement, comment on le mute, le corps humain? On le mute en l'agressant hormonalement. Alors, tu dois sécréter des hormones. Sécrétant des hormones, tu uses ton corps. À force d'avoir peur, tu n'as plus peur. Tu as toujours peur. Ton ego a peur en voyant la même affaire. Sauf que le corps, les récepteurs spécifiques, si on commence à être endurcis, ne réagissent pas. L'ego, ne lisant pas la peur dans le corps physique, ben, il se dit, j'ai pas peur. Alors, vu qu'il n'a pas peur, ben, il finit lentement par se changer, puis il ne connaît plus la peur. C'est le corps physique, en réalité, qui a muté et qui a transformé l'ego. Mais pour muter, il devait avoir peur. Alors, l'évolution de l'animal humain, c'est que tu sécrètes. T'es malheureux, tu perds tout, t'as plus rien, t'es habitué. Gagne à la loterie. Paf! Tu sécrètes au coton, là, ça marche. T'as gagné à la loterie, tu sécrètes, t'as plein d'amis, tu sécrètes, ça marche, la belle vie, 10 ans après, t'as plus une scène. Paf! Tu sécrètes. Voilà l'évolution de l'animal humain. Alors, on dit, est-ce qu'on peut évoluer sans souffrance? Tant qu'on est un animal humain du point de vue de l'évolution, non. Tu auras des hauts et des bas régulièrement parce que tu t'habitues à tout. T'habituant, tu deviens stable, stagnant. Étant stagnant, tu ne sécrètes plus. Sécrétant plus, la partie luciférienne qui habite chaque être humain sur la planète commence à induire chez lui l'ennui, le manque d'expressivité. Tu t'ennuies, t'es bien. Tu viens de gagner $1 million, tu as tout ce que tu désirais, puis après 10 ans, bien là, tu décides d'aller aider le voisin qui est pauvre. Ah oui, c'est ça, mets-toi les affaires des autres. Tu t'ennuies à ton entourage, il faut que tu sécrètes. Alors, nécessairement, en sécrétant, tu améliores le corps. Quand l'être humain vient me voir en séminaire et qu'il me dit « Oui, mais comment on peut arriver à être heureux? » Compte pas là-dessus. N'existe pas le bonheur. Tu seras jamais heureux. Tu n'es pas sur la terre pour être heureux. Il n'y a rien à faire, cherche-le, tu ne l'auras jamais. Oui, mais il y a quand même du monde qui l'ont connu. Exact, qui l'ont connu. Oui, qui l'ont connu. Ça rappelle. Là, ils l'ont connu. Ils ne connaissent plus. Effectivement. On a des guerres, des paix, des guerres. Quand il y a trop de guerres, on finit par aimer ça. La paix, là, on s'ennuie. Regarde les vétérans du Vietnam, les soldats, ça veut tout rester là-dedans. Les vieux personnages âgés, là. Ah, oh, faites la guerre 14-18! Ils ont encore le vieux chapeau de métal puis le lance, là. Bon, ils restent, ils n'ont besoin. S'ennuient dans la paix, bien, ils sécrètent. Celui qui est toujours en paix s'ennuie dans la guerre, bien, il sécrète. C'est le secret de l'évolution. L'être humain sécrète et il mute. À un moment donné, l'être humain doit passer dans sa phase de mutation à une conscientisation. C'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'on devait tolérer et non pas accepter. Et pas refuser. À un moment donné, l'être humain arrive à une phase où il comprend l'intelligence de l'amélioration. Ça, ça arrête. Mais ça prend un laps d'adaptation qui peut être de 10, 15, 20 ans, dépendant des individus. Où tu deviens un être humain, mais ton corps reste assujetti à l'évolution de l'animal humain. Alors, à un moment donné, tu as encore une crevaison. Un être humain n'a pas besoin d'avoir une crevaison sur le pneu de son automobile. Il n'y a rien de plus con que de t'en aller en vacances, pouf! T'en vas en vacances. Dieu! Voyons! Chat! Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, les bottes de Dieu sont impénétrables. C'est sûr qu'ils sont impénétrables. Il n'y en a pas. C'est ça, bon. Le développement. Tu descends, tu changes ta roue et tu ne sécrètes pas. Tu changes ton pneu, tu places là. Quand je dis ne pas sécréter, ça ne veut pas dire « Ah, oh, bon, écoutez, fais de l'exercice. » Tu sécrètes, là. Voilà. Si tu dis « Bon, de toute façon, ça fait faire de l'exercice », tu intelligencies. C'est pas pareil. Et là, tu ne sécrètes pas, puis tu en profites pour continuer à te séparer de la sécrétion hormonale. C'est pas long que l'astral, qui n'a comme seule fonction de te faire sécréter, tout va bien en famille. Il y a quelque chose qui va commencer à aller mal. Il y en a un qui faut qu'il se casse la jambe, il y en a un qui faut qu'il commence à se droguer, il y en a un qui... Quand tout va bien, il y a toujours de quoi qui commence à aller mal. Tout pourrait aller bien, mais ça ne va pas. L'astral est là pour t'organiser, les dieux et tout ça. Alors... Là, à un moment donné, ben, tu finis par te désassujettir. Alors, c'est bien évident que si on vole ton automobile, il en faut de l'énergie pour convaincre un gars de voler ton char. C'est le risque nerveux qu'il doit prendre. Il sécrète, il nourrit le monde de la mort. Mais pour le motiver à arriver à passer par-dessus sa barrière de la part sociale de voler ton automobile, pas toujours le même gars. Il faut en bâtir un chaque fois. Alors, ça prend énormément d'énergie, puis tu sécrètes même plus. On va trouver d'autres choses. Puis, si tu évolues bien, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est pourquoi c'est important, quand on commence à faire un cheminement mutatoire, que sa femme, son mari, ses enfants participent, parce qu'à un moment donné, toi, ton char, ça ne marche plus. Tu es un gars, mais là, c'est ta femme qu'on va ramasser, ou tes enfants qu'on va ramasser. La personne va dire, ah, ben moi, j'évolue plus de bord. Tu n'as pas le choix d'évoluer. Alors, fais rien, j'évolue plus, j'aime plus au centre, j'aime plus nulle part, je lis des livres porno, tiens. J'évolue plus. Ça va rien changer, tu évolues pareil. Tu vas lire des livres porno, tu vas dire, tabarnouche. Dormira plus, il n'y a rien à faire, l'évolution ne t'appartient pas, ton corps est en train de grimper, il va grimper. Si l'intelligence en a besoin, elle va manipuler suffisamment toutes tes contingences astrales pour que tu avances raide. Tu vas en avoir des problèmes. Tu vas être capable de les supporter, mais tu vas en avoir des problèmes. Mais l'astral ne pourra pas, les manipulations vont sur ton char, on ne le volera plus, ça ne sert à rien. Alors, si tu es prêt à ce que tes enfants meurent, pas grave, c'est évident, tu as peut-être pleuré 5 minutes, c'est tout. Tes enfants ne mourront pas. C'est pas grave que ta femme s'en aille. Elle s'en ira sans doute pas. Si c'est pas grave, honnêtement parlant, ça arrivera pas. Ça sert à rien que ça arrive. Mais là, les problèmes vont être plus gros. Les problèmes vont être plus gros. C'est plus l'auto qui va te voler sa maison. C'est l'auto. Mais si tout ça ne te dérange pas, on vole ta maison, passe au feu. Ça te dérange pas. Ouais, ça me dérange pas, mais j'ai plus de maison. Non, pas grave. Dans 2 ans, d'ici, tu vas avoir un château. Ça te dérange absolument rien. Tu sais pas tout ce qui t'attend en avant, t'es pas là. Mais si tu sécrètes, prends un autre chemin. Tu n'es pas prêt. Le château, tu vas l'avoir. Parce que tu es dû pour l'avoir. Mais le temps, il s'étire. Alors, l'humain doit fonctionner de certaines façons. Dans l'Antiquité, les initiés n'avaient pas la puissance que nous allons avoir prochainement. Alors, tous les initiés avaient ni femme, ni enfant, ni amis. Pourquoi? Parce qu'eux étaient suffisamment solides pour ne pas être ramassables. Mais pas assez s'il y aurait eu des amis ou des femmes ou des enfants ou des maris. Il ne fallait pas qu'il y ait d'entourage. N'ayant pas d'entourage, comment veux-tu les accrocher? Ils ne sont pas accrochables. Alors, ils continuent à marcher. Le problème aujourd'hui, c'est que nécessairement, tu as une femme ou tu as un mari, tu as des enfants, ce qui était essentiel pour la politique du Québec. Et puis, nécessairement, tu as tout ce qu'il faut pour te faire remonter. L'initié ne travaillait pas. Tu ne peux pas perdre ta job. Non. Pas de chômage. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, quand tu perds ta job, tu es insécure. Tu as des moyens pour te ramasser. Alors, ça ne te dérange pas. Rien ne te dérange. Pas psychologiquement. Au moins, ça ne me dérange pas. Lance pas un défi au monde de la mort. Parce que c'est comme ton automobile, tu mets... Monsieur les voleurs, l'intérieur a déjà été volé. Tu peux avoir un papier. Permettez qu'on vérifie. Alors, faut pas mettre au défi le monde de la mort. En cas des fois. Mais est-ce qu'on s'attire des problèmes avec ça quand, à partir du moment où... On ne s'attire pas des problèmes. Où l'ego pourrait penser, parce que ça serait l'ego, vu qu'il pense, l'ego pourrait penser que tu as muté, donc que ça te dérange plus de faire monter ton auto. T'as un ordinateur, tu as déjà joué à un jeu. Prends un jeu où tu as un petit vaisseau idiot, là, qui te promène, tu sais, il y a des bebelles. Là, tu te dis, ouais, mais là, si j'en descends trop, je change de niveau. Si je change de niveau, c'est bien plus dur. Fait que moi, reste à ce niveau-là. Mais il y a un problème, c'est que le jeu avance, lui. Alors, pour rester à ce niveau-là, là, à un moment donné, là, ou t'évites toutes les bebelles, t'arrives à l'autre niveau pareil. Ou t'es pogné à te faire tuer là, plutôt que de passer à l'autre bord. Fait que, ou bien tu meurs là, ou tu te défends, tu tombes de niveau. Tu passes au niveau 2. Puis là, tu te dis, bien là, ou je reste là, ou je change. Mais je ne veux pas changer, c'est au niveau 3, c'est même plus dur. Il y a les bebelles qui te bouffent. Fait que je veux rester au niveau 2. Et là, au niveau 2, le jeu, lui, avance, il découle lentement, le jeu. Puis là, ben, tu meurs là ou tu passes. Mais qu'est-ce que ça donne d'aller mourir au troisième niveau si tu peux mourir au premier? Il y a un avantage. C'est qu'en mourant au premier, tu es sûr de mourir. Au troisième, tu as toujours la chance de mourir au quatrième, de mourir au cinquième, de même pas mourir et de gagner le jeu. Alors, il y a au moins une chance que tu as. Puis l'autre avantage aussi, c'est que quand tu meurs au troisième, dans le jeu, là, dans ton jeu, le pouf, tu meurs. Quand il te redonne un jeu brillant, il ne te repart pas au début. Il te repart un niveau plus bas ou un petit peu en arrière. C'est ça ton évolution. Tu te réincarnes, pas tout à fait où c'était, mais mauditement plus proche. Ce qui fait que tu peux continuer drôlement plus loin. Mais l'évolution, tu ne regardes pas. Tu n'as pas le choix. Tu es au monde. Tu joues avec le jeu. Fait que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas décider si tu joues ou tu ne joues pas. Ah, et c'est sûr, les jeux vidéo, c'est fait par des égaux. C'est toujours le CTRL-C ou Escape, c'est qui arrête le jeu. Le temps que tu vas aux toilettes. Mais la vie. Ouais. CTRL-C, là. Mais est-ce que tu peux choisir de te réincarner dans un corps physique qui a déjà muté? Non, tu ne te choisis pas de te réincarner. On va faire ça une conférence que tu peux prochainement tomber au niveau 1, là. Non, tu meurs, tu t'en vas dans le monde de la mort, tu es digéré, blooks. Ouais. Tu es fusionné à un paquet d'autres qui te ressemblent. Et puis, à un moment donné, ben. Tu recommences au niveau 1? Non, tu recommences dans des corps physiques qui sont maintenant légués par, par exemple, les enfants de tes enfants, il y en a un paquet qui vont te recevoir. À moins nécessairement que tu aies une double dérive suffisamment constituée pour te réincarner entre appelés à quitter. Sinon, il y a des enfants qui vont te recevoir. Mais ces enfants-là vont être les supporteurs du legs génétique de tes enfants ainsi que de ton legs à toi, ainsi que du reste de l'humanité. Tu ne repars jamais à zéro. En plus, tu arrives dans une matière où l'extérieur est changé. Alors, non, tu ne repars jamais à zéro. Moi, quand je suis mort, il n'y a pas longtemps, je ne suis pas revenu au monde avec des chariots puis du foin. Et puis, quand l'homme des tavernes ou l'homme dans l'époque fin précambrien commençait à mourir, il revenait au monde, ça continuait. L'arcade continuait à avancer. C'est juste un jeu. De quoi est faite la lumière? Comment se déplace-t-elle? Bon, alors, on peut se référer à certains livres de physique et d'astrophysique pour arriver à avoir une réponse plus complète. La lumière est faite d'énergie. La lumière est une bicondition, c'est-à-dire que la lumière est de l'espace-temps en haute friction. Soit on ne trouvera pas ça dans les livres, par exemple. La lumière est de l'espace-temps en haute friction, ce qui engendre un mouvement et en même temps qu'un un mouvement sur place en même temps qu'un déplacement, ce qui amène à donner l'idée que la lumière est une onde qui se déplace sur un quantum, c'est-à-dire sur un photon. Donc, la lumière est une énergie qui se déplace d'une façon ondulatoire. Et la lumière devient donc un paradoxe. C'est deux choses qui apparemment ne peuvent pas se toucher, qui marchent ensemble. La lumière est un phénomène énergétique qui a une masse, même si on dit que le photon n'a pas de masse. Et la lumière, par contre, elle déploie suffisamment de courbures spatio-temporelles dans son déplacement pour engendrer une masse. Le photon n'a pas de masse, la lumière a une masse. L'énergie n'a pas de masse, le photon n'a pas de masse, la lumière en a une. Exemple que l'on peut faire, c'est simple, vous allez prendre un petit miroir chez vous, là, ceux qui sont sceptiques ou ceux qui veulent s'amuser. Prenez un miroir très mince, un petit miroir de plastique, un petit miroir pas en vitre. Vous le placez sur une table de façon à ce qu'il tienne. Ça va être un petit peu dur, là, et il arrive à tenir. On ne l'accote pas. Il tient. On éteint toutes les lumières qui sont autour et on prend une lampe de poche électrique. Et puis, on éclaire, éteint, éclaire, éteint, éclaire, éteint, éclaire sur le miroir. Et là, lentement, le miroir va commencer à osciller. Puis, continue à le faire, d'aller jusqu'à terre. Avec la lumière. Et nécessairement, la science sait ce que j'explique là. La preuve, le projet de la guerre des étoiles avec les lasers, ben, c'est de la lumière qu'on envoie. Pas pour jeter un miroir à terre. Voilà. L'ego passe-t-il toujours par la pensée pour s'exprimer dans le corps? Non. L'ego passe par la pensée pour exprimer des phénomènes du monde de la mort. C'est plutôt le monde de la mort qui passe par la pensée, manipulant l'ego, pour permettre à l'ego, qui ne s'exprime que par le corps physique, de mettre le corps physique au service du monde de la mort. L'ego s'exprime par le corps physique, non pas par la pensée. Quand vous pensez, l'ego s'exprime dans le système neuronique et endocrinien, mais c'est le monde de la mort qui pense dans ce système, donc dans votre tête. Vous parlez extrêmement vite ce soir, attrapez-vous vos vacances? Ah ben c'est bien possible, oui. Lors des rencontres sur l'ajusteur de pensée, on apprend à mettre l'ego dehors. Je recommence. Ben oui. Lors des rencontres sur l'ajusteur de pensée, on apprend à mettre l'ego dehors. Est-ce cellularisable? C'est extrêmement cellularisable pour la simple raison que quand l'ego est dehors, tout ce qui reste dans l'individu, c'est son intelligence. Étant donné qu'il ne reste que l'intelligence, c'est hautement cellularisable. Comment diriger l'inspiration au lieu de l'attendre? Est-ce que c'est faisable? Oui. Pour diriger l'inspiration, on doit se motiver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre un individu et on lui dit, « Bon, moi, j'ai un livre à écrire. Qu'est-ce que je devrais écrire? » Tout ce qu'il va vous dire, c'est pour ça pas en tout. Et ça va vous réchauffer. Alors, tu devrais écrire un roman. Ah, un roman, je ne suis pas trop sûr. Ben, un livre de science. Ah, ben non, un livre de science, je ne connais rien là-dedans. Bon, ben, une histoire. Ben, peut-être une histoire de quoi? Puis là, on commence à jaser, puis on jase. On veut inventer quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer? Jaser. La parole, elle va vous amener à brancher votre canal réincarnationnel, ce qu'on a ajusté de pensée, l'ajusteur de pensée, vers une source qui va donner exactement ce que vous voulez. On se réchauffe, quoi. C'est de là que vient l'expression des groupes qui se réunissent pour trouver des slogans en marketing. Même chose. Terme, ah oui, ils font ce qu'on appelle une tempête de cerveau. C'est ça. Et puis ça fonctionne. Cherchez le mot français. La semaine prochaine, on parle de la fusion. Alors, on va donc poursuivre ce que nous avons commencé ce soir au niveau de la mutation pour parler du double éthérique, de la survie après la mort et de la fusion avec le double éthérique. Puis on va parler un peu effectivement de comment on arrive à devenir un peu plus immortel. Consciemment, on l'est immortel, mais on l'oublie. Alors, bonne semaine. Prenez-vous pas au sérieux. Attention, demain, il annonce la neige.